Gentillesse me méfie, je suis trop criminel. Les coups de chlasse dans le dos m'ont rendu criminel. La confiance m'aura donné une leçon de criminel. Dans les rangs de la trahison, je suis devenu criminel. Certains hommes à cause d'une femme deviennent criminels. Sur l'hypocrisie, j'appuie la tête en criminel. Je crache vos quatre vérités en version criminelle. Dans le regard des jaloux, fais seulement criminel. Les langues de pute ont voulu allécher un criminel. Stoppez vos blabla avant ma perpète criminelle. Enragé depuis la naissance, bien criminel. Les flammes dans les yeux de notre enfance criminelle. Coopère pas avec le bleu, je reste le rouge criminel. Je ressemble à un schizophrène entre quatre criminels. Partage libéra pour lâche un criminel. Mon aspect vous baisse, vous braque criminel. Le mic dans la paume, le flow reste criminel. M'embrouille pas pour te la raconte, y'a que des criminels. Te fie pas à la carcasse d'un criminel. Touche à ma famille, tu verras venir le criminel. Toutes les cités de France ont l'instinct criminel. Sans Marie-Jeanne dans les gènes, mon tête au criminel. Numéro 10 dans le foot, technique de criminel. J'efface mon adversaire, double contact criminel. Pas social et la sécurité d'un criminel. 4 du mat, mon stylo pleure le sang d'un criminel. Laisse pas traîner le cul de ta sœur, y'a que des criminels. Bavure policière, flic relaxé, c'est criminel. Criminel, criminel. L'État français fabrique de toutes pièces des criminels. Les prisons, usines, la KRA, criminel. Crame la peau d'orange quand tu tapes ton yesh, criminel. Ta femme te trompe pendant que t'es en cellule, criminel. Les politicos sont les plus grands criminels. François Hollande n'est que le toutou des hautes sphères criminelles. Tu veux t'en mettre plein les poumons, j'ai de la queue de criminel. Fuck le game, fuck les players qui jouent les criminels. Que des acteurs qui s'inventent des vies de criminels. On t'a pour quitter au placard, c'est criminel. La solitude a des pouvoirs criminels. Coffre un bout de pilon dans le trou de balle, c'est criminel. Chaque fin de mois difficile nous rend criminels. La caresse d'une femme est l'arme fatale d'une criminelle. À la prod, Bill, t'as un speak criminel. Négriol à la réelle, équipe de criminels. Cherche pas d'empreinte sur la scène du crime criminel. MC Click Music, c'est criminel. Silure à la console, dur, c'est criminel.